vie c'est chaud depuis le début du bif et des problèmes plein ta plomb, ouais. Je te pète une bouteille dans la tête, j'ai le sang algérien et le flow casin, ouais. De la weed, un peu de miel, laisse-moi finir blanc de blanc. J'ai lâché ma force dans le vide, voilà blanc. Voilà toute cette maladie, reste avec Barrett Alumni. Passer de l'anonymat à la vie d'artiste, crois-moi ça m'a mis dans la merde. Faut que je gère mes affaires, là je fais du bif pour ma mère. Arbat c'est l'aigle vers la mer. J'ai les yeux petits, je suis qui, yeah. Je suis ma hiya, t'es le con de vie. Faut m'éviter, yeah. Happy Bay, course de barre et l'embord, mais c'est Big Bay, yeah. Ok, nique les bains, offre rose, papa, maman, gala, va passer l'idée, ouh, t'as rien dit far away, on dit que je suis au bec, verrez qui se bec, nigga, fuck that, ouh. Mystique, je suis radon, mon vite fait d'air bon, moi, c'est me cancun, yeah. Maroc et Cancun, je sais, rive, va comme blanc, n'est-ce pas, yeah. Je suis qui, yeah. Je suis Marie. Petit, je suis qui, yeah. Je suis Marie, fais le compte de billets avec ma mire. Petit, je suis qui, yeah. Je suis Marie, fais le compte de billets avec ma mire. J'ai les yeux petits, je suis qui, yeah. Je suis Marie, fais le compte.